Plus dur à commencer. On peut pas choquer contre sa propre spiritualité. On se pense négatif en ce temps. Il dit ça, c'est un des plus grands voiles sur la conscience. Le Christ est qui, il y a un faux cul. The rat, c'est la colère. Veux-tu m'oublier quelque chose? Mes changements vibratoires, ils sont venus après m'être fâché. Chaque fois que je me suis fâché, je changeais vibratoirement. Change. Puis là, c'est intéressant parce qu'on en parle, ça me rappelle ça. C'est que chaque fois que j'ai changé vibratoirement, chaque fois que je me suis fâché. De sorte qu'éventuellement, je les avais tous en rébellion. Toute la gang, toute la crise de gang, jusqu'à Dieu, je l'ai mis sur le tibet. Toute la gang. Si avant, ça faisait un petit quelque chose, au début. C'est trop ça que tu te fais. On s'en met. On s'en met. Pour la lumière. Ouais. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Il dit que ça, là, c'est un des aspects les plus réels, les plus occultes que j'ai parlé du cosmos. Important, dans le sens d'important. Il faut qu'on choque quelque part pour péter ça. Péter la vibration du monde de l'esprit puis du contrôle de cette vibration-là sur l'ego par le titre du corps émotionnel. C'est tellement vrai. Tu l'as-tu connu, toi? L'as-tu vécu, ça? D'ailleurs, quand on choque, là, la plus grande preuve qu'on peut avoir de ça, c'est qu'on ne se souvient jamais de ce qu'on a dit. Ouais. On s'en souvient pas. Je sais bien que moi, le jour de choqué, puis après ça, on me remet sur le tapis ce que j'ai dit. Puis... Tu vois plus rien, tu laisses tout passer. C'est allé sous plusieurs formes, c'était pour choquer les gens. Tu le savais même au début que ça allait choquer les gens parce que tu le dis à tout le monde, effectivement, mais très clairement, ça allait choquer les gens. Alors, la façon qu'ils se sont pris à travers toi, ça prouve encore la vérité qu'il faut se fâcher pour défaire ces formes-là. Il n'y a pas d'autre façon, puisqu'ils sont pris à travers toi de cette façon-là pour être choqués, chacun de nous qui avait besoin de se choquer pour casser les formes. Moi, j'étais un qui pensait que je n'avais pas à me fâcher. Et pendant 3 secondes, si on avait pu voir comment que j'étais, c'était pas drôle. Puis j'ai réalisé tout de suite que c'était une forme. Ça s'est atténué tout de suite. Mais c'est ça l'affaire. On la vit encore. Là, je pense d'avoir fini, mais si je pense parce que je m'imagine qu'il faut que j'aille plus haut, je vais avoir d'autres raisons encore. Mais je ne sais pas où, je ne sais pas quand. C'est pas limité. Donc, on a beaucoup de formes. C'est la forme de se fâcher pour passer à travers parce qu'on s'individualise, on se forme. On s'individualise quand on se forme. Donc oui, on nous a toujours taxé les motivés. Tout le temps en société, quand t'as choqué, tu t'émotives. Tu vois, cette vibration-là, tu crames comme ça. C'est même ça va pour ça à ce moment-là. Mais tu sais, l'émotivité, tu perds le contrôle, mais tu n'as plus de logique. Mais il ne faut pas que ce soit la colère de l'ego, il faut que ce soit la colère de l'esprit dans une femme. Ce soit la colère de l'esprit, pas de l'ego. La colère de l'esprit, c'est important ce que vous venez de dire. Ça a duré 3 secondes, son affaire, c'était très intense. Il n'a pas eu besoin de passer à l'extérieur de lui. Il l'a vécu intérieurement. Puis moi, personnellement, selon mon expérience, il est Quand c'est plus fort, là, c'est quand tu te passes intérieurement par ça. Là, c'est encore plus fort. Ouais, c'est fort. Parce que quand tu te passes extérieurement... Ça en passe un petit peu. Oui, il y a une perte d'énergie. C'est ça. Oui, ouais. Penser que c'est profiter sur quelque chose que tu peux te revenir. Tandis que si tu te passes intérieurement, tu te détruis complètement, tu n'en viens pas, tu vas passer à travers. Je sais pas. Je suis détruit. Mais il y a des moments aussi où, mettons, tu ressentirais le besoin de faire passer ça. Tu le retiens en supposant que pour que tu sois patient, tu restes là, tu bouges pas, t'écoutes. À un moment donné, ça pète. C'est plus supportable. Mais tu dis pas, parce que là, il y en a d'autres que, c'est sensible, puis tu sais pas. Puis en tout cas, tu sors de là à un moment donné. Puis moi, j'ai réalisé à un certain moment où tu vois réellement deux choses en dedans. Pourquoi tu étais comme ça? Puis là, l'affaire au-dessus de toi qui me dit, tu vois là, comment ce que t'es, puis ta, puis là, ça n'arrête pas. Puis le choc, finalement, c'est toi qui mange. Comme Lé disait, c'est en dedans. Puis là, tu regardes, t'es patiente, mais si tu penses que t'es patiente même, puis t'as voulu être patiente, c'est toi qui t'es mis dans la patience quand il fallait que tu laisses passer ça, finalement. C'est là que c'est bien difficile. Fait que je considère bien difficile. Mais c'est quand même à ce moment-là que tu ouvres quelque chose en dedans de toi, plus que quand c'est projeté. Parce que projeter, souvent, ça revient. Moi, en tout cas, je l'ai vécu le retour. Puis si tu ne le retiens pas au moment où tu sois le retour, puis que tu choques encore, parce que des fois, tu sais que tu vas choquer plus, que tu vas passer par-dessus ça. Exactement. C'est pour ça qu'ils m'ont fait parler de la patience avant. Ça s'accumule. Là, quand tu en as assez, là, la colère éclate, puis ça l'explose, ça règle un problème énorme. Parce que la patience, ça sert à rien. Ça sert à former l'individualité de la personne. Après ça, il sait quoi faire, c'est la même chose, c'est le problème, c'est réglé en lui, puis le lui. La patience, c'est comme quand on pense que ça va se régler tout seul, ça ne se règle pas tout seul. Très juste. Ça serait quoi tout ça? Pour toi, tu le règles. C'est juste un bébé. Ouais. Qui permet d'accumuler. Mais qu'est-ce qui est important, c'est la patience? C'est ce que tu as dit tantôt, que c'est un mytho. C'est bien important. De nous dire quelque chose pour créer des conditions vibratoires. Ça crée d'autres choses. L'affaire de la patience, ça m'étonne. C'est la revanche? Ça mène à la rébellion. On suit dans notre tête, quand on demande des questions, les réponses qu'on suit doivent être précises, puis doivent nous éclairer tout le temps. Ça répond tout le temps. Mais ce qui arrive, c'est que souvent, ça va vous répondre quand je suis là. Mais ce là, il y a une sorte de mécanisme en vous autres qui fait que l'ego. Et l'ego est emprisonné par un champ d'énergie qui empêche la communication avec toi. Puis ça, c'est l'émotion. Parce que quand je cite, il y a une autre énergie qui fait que ça facilite l'affaire. Mais quand vous êtes seul, c'est de brancher cette affaire. Quand vous êtes seul. C'est quand vous êtes seul que vous n'avez besoin de ça. Pas quand vous êtes avec moi. qui arrive, c'est que si les gens ont des réponses stupides, ils se fatiguent, ils se tassent, ils arrêtent. Ça peut être intéressant à communiquer. C'est bon de communiquer le plus souvent possible? Ça dépend. Et c'est un couteau à deux tranchants, ça parle. Oui, si, il vous parle comme du monde, mais non, c'est... La réponse est oui puis non. Quand vous savez que vous avez du matériel, quand vous savez que vous êtes en communication avec eux autres, c'est en haut. Là, au moins, si tu veux parler, mais tu as une réponse comme du monde, si tu ne veux pas leur parler, tu vas la faire. Mais si tu as communication avec tes autres entre les deux, avec le monde des esprits, tu n'as rien là. Tu es mieux de jamais leur parler avec eux autres. Ils vont te niaiser. Il y a une autre affaire que je veux savoir. Comment se fait qu'eux autres, dans le monde des esprits, vont nous niaiser au lieu de nous informer? Non, c'est pas ça que je veux dire. Comment se fait qu'ils vont nous niaiser au lieu de nous instruire? Ils ont un intérêt très grand qu'en nous niaisant, ça nous décourage de chercher. On s'arrête là. On pense qu'il n'y a rien de plus. Parce qu'il y a subtilement, des fois. Ouais. Ce qu'on appelle, nous, niaiser, là, pour certaines personnes, c'est une vérité qu'ils ont obtenue comme réponse, mais ça reste là. Ils sont pas intéressés à aller plus loin. Ils sont sûrs que cette réponse-là, c'est la bonne qui reste. Ok, moi, je vais demander une question, moi. Qui c'est qui gère le monde des esprits? C'est ce qu'on en nomme celui super qui est en tête, c'est le grand bonhomme qui est rendu là. Mais qu'est-ce qui le fait que tu l'as dit? C'est Lucifer qui gère le monde des esprits, Charles. Ils sont jaloux. Ils ne peuvent pas avoir facilement. Et l'autre question, c'est à soi que j'en veux des réponses. Le monde des esprits, il est bon, puis le monde des esprits, il n'est pas bon. Okay? Mm-hmm. Elles sont ça facilement, le monde. Qui c'est qui gère le monde des esprits qu'on appelle des bons? C'est pas les mêmes, c'est pas Lucifer, c'est un courant qui vient de. C'est un courant qui vient de la lumière qui est responsable au-dessus de Lucifer. Okay. Qui nourrit le côté qui est bon. On peut interpréter ça par là. Okay. Mais qui c'est qui gère? Qui c'est qui commande? Qui c'est qui gère? Pas bien ce que dit de la question. C'est qui gère des deux côtés. Parce que dans le monde des esprits, il y a un gouvernement qui gère le monde des esprits. Bon, on va vous expliquer ça, le monde des esprits, comment ça va. Le monde des esprits est fait d'entités et des égaux en évolution. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont pas bons, il y en a qui sont plus évolués que d'autres. Puis dans le monde des esprits, il y a des capitales. Il y en a qui sont voulus vers ces capitales-là, il y en a qui sont voulus vers ces capitales-là, il y en a qui sont voulus vers ces capitales-là. Des capitales. Puis il y a des capitales qui sont très élevées en vibration spirituelle. Puis il y a des capitales qui sont bien basses en vibration spirituelle. Puis dans les capitales qui sont très élevées en vibration spirituelle, il y a des êtres. Moi, je les appelle des seigneurs. OK? Et des capitales qui sont basses en vibration spirituelle, il y a aussi des seigneurs. Okay. Lucifer gère au-dessus de ces seigneurs-là. Des capitales qui sont basses en vibration. Qui c'est qui gère les seigneurs dans les capitales de haute vibration spirituelle? Ça serait l'archange Gabriel que non. C'est Gabriel. Okay. Je ne sais pas si son nom unique, c'est un nom qu'on peut prendre. Ok. C'est Gabriel. Okay. Lui, il reçoit... OK, là, là, là, ils veulent pas que je dise trop de choses. Mais il y a quelque chose que je veux dire. Qui t'a fait fuir, qui tout le monde? Moi, j'ai une autre réponse, totalement différente. Le monde des esprits. Le monde des esprits. Ben, de la vie. Oui, là, regarde dans mon mental. Regarde-moi dans mes yeux. Et regarde qui c'est qui gère le monde des esprits, bon puis mauvais. Moi, ça m'intéresse pas de le dire pour toi. C'est grave. D'abord, si t'es pas capable, tu vas être bloqué nous. Si t'es capable, c'est parce qu'il faut que tu sois. C'est une hiérarchie très haute et tu fais partie de cette hiérarchie-là, toi, tu as des rapports. C'est tout ce qui se passe dehors, en fait. C'est pas être long. Moi, je vois trop. Je vois trop d'échelles, là. Parce que moi, je m'exprimerais comme ceci. C'est un courant séparé en trois. Ce courant-là, là, vient d'un courant. Il se sépare en trois à un certain niveau. Il y a un niveau, là. On appelle le monde de l'hiérarchie de Lucifer. Il y a un autre monde de la hiérarchie du devoir ou de la lumière à ce niveau-là, qui n'est pas la même lumière qu'en haut, mais qui est nourrie par ça. C'est régi par des êtres de lumière. Ces êtres de lumière-là ont créé des formes pour envoyer ces formes-là plus subtilement dans le monde des esprits. Toi, tu es une personne qui fait partie de ça, mais pas en tant que Bernard, en tant que toi. C'est tellement de choses que tu ne peux pas tout nous dire ce que tu sais, là, ça nous pètera la tête, tu veux dire, tout ce qui peut passer à travers ça. Les gens ne peuvent pas tout faire à travers ça. Mais là, pour te dire qui exactement, qui gère ça, là, je n'ai pas son nom, mais c'est, ça fait partie de l'hiérarchie du monde de la lumière. Je n'appelle ça un monde, là. C'est un monde, là, mais c'est une hiérarchie. Puis ça vient plus précis, c'est le plus important. En tout cas, nous autres, en tant qu'hommes, il faut qu'on comprenne très définitivement qu'il y a en nous de l'intelligence. De l'intelligence. Je ne dirais pas une intelligence, je dis de l'intelligence. Puis il faut qu'on aille chercher cette intelligence. Nous autres, on vous donne les moyens d'aller chercher cette intelligence-là. Puis un des moyens d'aller chercher cette intelligence, on vous donne un autre, c'est de vous faire comprendre que tant que vous n'êtes pas intelligent, vous devez vous forger. Tant que vous n'êtes pas intelligent, c'est parce que vous n'êtes pas forgé. L'intelligence, ça ne viendra jamais à vous autres tant que vous ne serez pas forgé. C'est une des conditions essentielles de la pénétration des gens dans le monde. Vous êtes obligé de le faire. Pour détruire le web qui existe entre la lumière et puis votre ego. Tu parles au nom des esprits, tu parles du monde intérieur. Bon. Pour moi, c'est bien subtil ce que je vais te dire. J'adresse mes parents parce qu'ils font des études dans cette direction-là. Mais pour moi, le monde des esprits, c'est de la merde. À quelques niveaux que ce soit. Puis les rayonnements qui vont à l'encontre de la matière, le cosmos, qui vont à l'encontre de la matière. Les esprits doivent s'incarner dans la matière, spiritualiser la matière, élever la vibration des corps, permettre à la volonté des âmes de transmuter tous les principes qui font les âmes, qui sont les âmes, pour que les hommes puissent se réunir dans la lumière avec les ajusteurs de pensée. Tout ce qui empêche ça, c'est de la merde. Quel que soit le niveau du sacré que c'est. Maintenant que c'est dans le monde des esprits, ça se trouve des égos dans la lumière. C'est des égos dans la lumière. Puis les égos ne doivent pas être dans la lumière. C'est l'esprit qui doit manifester dans l'ego. Puis quand l'esprit se manifeste dans l'ego, c'est parce que l'énergie d'ego a été transmutée en énergie d'esprit. L'homme n'a pas besoin d'ego. Il a besoin de l'esprit. Puis l'esprit de l'homme, elle est faite de matière qui correspond à la transmutation de tout ce qui est des formes dans l'astral vers le mental. L'esprit de l'homme, c'est la transmutation des formes du plan astral au plan mental. Quand l'homme est en esprit, il n'est plus dans la personnalité. Il n'appartient plus à la race humaine. Il spiritualise automatiquement l'humanité parce qu'il spiritualise l'énergie qui sert à conditionner les valeurs suprêmes de la lumière dans la tombe mince de la matière et des corps dont l'homme est fait. Puis tout ce qui est en dedans de ça est purement évolutionnaire et transitoire et prisonnier du temps. Tant vers la lumière, tant vers les ténèbres, mais n'est pas dans la lumière. Il n'y a aucun esprit qui est dans la lumière. Il n'y a aucun esprit, il n'y a aucun ego désincarné qui est la lumière. Il tend vers la lumière. Mais elle a peur de la lumière. Les esprits sont tout en bas du niveau de l'âme. Totalement. Quel que soit leur niveau, comme ça, ils sont tous dans l'illusion. Ils sont tous dans des illusions. Puis ils créent des illusions, puis ils servent à créer des illusions, puis l'âme est pris dedans. Puis quand ils rentrent en communication avec l'âme, c'est encore pire. Puis si l'homme n'est pas en communication avec les autres, c'est moins pire parce qu'il n'en souffre pas. Mais quand l'homme est en communication avec les autres, là, il peut en souffrir parce qu'à ce moment-là, il se spiritualise. Puis en se spiritualisant, l'homme essaye d'atteindre son infinité, qui est son immortalité, des papas. Est-ce qu'il fait référence avec l'autre? Parce qu'il fait référence. Mais je ne vais pas m'arrêter. Pour moi, il y a un univers, pour moi, qui est valable, qui est réel, qui est absolu, qui est indivisible. Ça, c'est ce qu'on appelle le monde de la lumière. Tout ce qui est en dessous de ça est expérientiel. Dans le monde de la lumière, il n'y a pas d'expérience. Tout est su, tout est connu, parfaitement. Aussitôt que tu descends, tu tombes dans l'expérientiel, tu tombes dans les formes, tu tombes dans la reconnaissance des formes et la valeur des formes à un niveau ou à un autre. Puis si tu t'incarnes, puis que tu viens en contact avec l'instruction qui vient de la lumière, automatiquement, tu es obligé d'abolir le serment que tous les égaux font après la mort. Tous les égaux qui meurent, s'en vont sur l'autre plan, font un serment. Puis ils font toujours un serment avec ceux qui sont au-dessus d'eux autres dans la hiérarchie des égaux morts. Puis le serment, c'est de ne jamais révéler à l'homme de vérité. Mais pourquoi les gens qui font le serment? Ils sont pas obligés de le faire. Ils sont obligés quand même. Ils sont obligés parce que ça fait partie des lois de Saint-Pierre. Les lois de Saint-Pierre sont des lois qui font que quand tu retournes après une vie sur la matière, dans la matière, tu es obligé de prêter serment afin que ce que tu as connu dans ton expérience terrestre ne serve plus dans une autre. Pour que ce qui sert soit dans le service de ceux qui travaillent dans l'invisible, invisible, mais non pour l'homme. Sans ça, l'homme sera trop intelligent. Puis l'homme n'a pas passé par la phase de l'évolution. Pour que ça soit brisé, ça. Pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne des plans de l'âme, qui descende, qui s'incarne dans la matière, puis qui brise le secret. Puis moi, je le brise, ça. Je le brise. Mais brisé, ça, c'est ça. Ma présence, c'est comme ça. Ouais, mais donc, là où j'en suis, c'est quand tu me dis que tu es obligé de prêter ta main. Moi, quelqu'un qui me force à faire quelque chose que je ne veux pas faire, là, ça va bien mal. Quand tu meurs, tu arrives de l'autre bord, tu sais pas ce qui se passe. Tu comprends rien. Et t'es un niaise. Si t'es moindrement évolué, tu vas aller vers le mien. Si t'es moindrement pas évolué, tu vas aller vers toi. Mm-hmm. Tu sais rien. Là, il vient te rencontrer. Il te donne un job. Il est en service. Pour une force ou un autre, il est en service. Parce que vous autres, le monde des esprits, c'est la petite fumée. Mais moi, je sais que le monde des esprits, c'est aussi réel que ça. Mm-hmm. C'est encore plus structuré que ce qu'on a sur terre. Parce que ce qu'on vit, nous autres, sur le plan matériel, au niveau de structure, les gouvernements, toutes les structures, c'est de la fumée. Là-bas, c'est tout structuré. C'est structuré vite parce que l'esprit communique. C'est instantané. Dans un sens. Qu'est-ce qui arrive quand tu meurs et dis-moi, je ne prête pas serment? Tu ne peux pas prêter serment, c'est quoi? Parce que t'es inaltérable quand tu meurs. Puis pour briser le serment, il faut que tu sois altérable. Ça veut dire qu'il faut que tu sois capable d'être changé dans ta nature humaine. Il faut que tu sois capable d'être changé dans ta nature d'ego. Puis pour être changeable dans ta nature d'ego, il faut que tu sois en esprit. Si t'es pas en esprit, tu ne veux pas être aligné. Il faut que tu sois en esprit. Il faut que tu sois dans ton esprit. Faut que tu sois en dehors de la part. Là, à ce moment-là, c'est correct. Mais tu fais une mort consciente, comme tu dis, là. Ou si tu. Quand tu fais une mort consciente, tu fais une mort spirituelle. Quand tu fais une mort spirituelle, tu t'en vas dans les mondes où il y a plus de lien, plus d'harmonie. Oh, c'est ça, tu as plus affaire aux esprits. Tu fais toujours affaire aux esprits. Puis tu es obligé de faire le serpent pareil. À ce moment-là, il faut que tu sois capable d'immortaliser ton corps ou de transmuter, comme tu dis, pour pas avoir affaire aux autres. Tu mérites un petit lit. C'est valide, mais c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est important, tu m'entends. C'est valide, c'est un cœur, quand tu es en train de faire le cœur. Les esprits vraiment là, qui se disent esprits des incarnés et qui ont inspiré Jeanne Laval là, pour vivre des révélations. Là. C'est beau aller, on se rend terriblement, les enfants. Faut pas rien croire à faire. J'essaie de vous faire comprendre, aux autres. J'essaie de vous faire comprendre que le monde des esprits, ce n'est pas le monde de l'âme. Que les lois du monde des esprits sont des lois qui sont contre le devenir potentiel de l'homme. Le monde des esprits prépare toujours l'homme à revenir au monde des esprits. C'est pour ça que ces œuvres-là sont faites, pour préparer l'homme à revenir au monde des esprits. Il faut que l'homme soit empêché de retourner au monde des esprits. Et pour empêcher l'homme de revenir au monde des esprits, il faut que tu sois, toi, dans ton esprit, en encore. Pour pouvoir avoir une communication parfaite avec le mien, pour détruire toutes les formes dont nourrissent l'homme les mondes des esprits, pour que l'homme en arrive à sortir complètement de mon esprit. Pour que l'homme cesse de mourir mortellement. Donc, tous vos livres, puis tous vos beaux livres, puis toute votre grande spiritualité, l'ivresse, ça vaut pas de la merde. Même la côte mobilie du Rancier. Parce que la côte mobilie du Rancier, c'est un art qui est fait par le monde des esprits pour instruire l'homme dans la façon dont sont formulés les rapports entre les esprits dans le monde des esprits. Moi, je vais vous dire une chose aujourd'hui, qui est à vous donner un choc, là. Ça fait partie de votre expérience. Un jour, vous saurez qui je suis. Quand vous saurez qui je suis, vous saurez qui vous êtes. Quand vous saurez qui vous êtes, vous serez des immortels. C'est à ce temps-là, but. Quand je parle de ça, ça fait partie de votre expérience. Si je vous le dis, c'est pour vous aider pour analyser le coup de boulet. À ce moment-là, vous serez bien. En attendant, les boulets. Moi, il est con.